Chapitre 12. Départ de Georgiev, vallée de la Podkouma, Piatigorsk, le pavillon d'Éol, un charmant docteur, poste de surveillance entre Piatigorsk et Kislovodsk, paysage, détails sur la vie des eaux du Caucase. C'est à Georgiev, ancienne capitale du gouvernement du Caucase, que nous dîmes définitivement adieu aux steppes de la Kouma, à leurs chameaux et à leurs tribus nomades, pour prendre possession d'une autre nature dont la beauté remarquable et les sites pittoresques devaient amplement nous dédommager de la monotonie à laquelle nos yeux n'avaient été que trop longtemps habitués dans les déserts de la mer Caspienne. À notre départ de Georgiev, un temps lourd, gris, humide, avait remplacé le soleil éclatant qui nous avait favorisés pendant quelques jours. La teinte sinistre du ciel et des nuages pesants qui rasaient la surface du sol exerçaient sur nous une influence morbide à laquelle nous opposions en vain la pensée que chaque pas nous rapprochait de ce Caucase, objet depuis si longtemps de notre préoccupation continuelle. C'était à peine si les brouillards qui couronnaient quelques mamelons isolés nous laissaient deviner la grande chaîne des Alpes dont la ligne noire se perdait au fond d'un horizon brumeux. Une immense plaine, noyée dans les vapeurs, s'étendait devant nous, n'offrant à nos yeux que de grandes flaques d'eau et des reflets d'optique qui déroutaient tous nos calculs. De Georgiev à Piatigorsk, principal établissement des eaux, la route parcourt pendant plus de 3 heures cette plaine désolée où le regard ne trouva se reposer que sur quelques cimes de forme conique surgissant çà et là du sol et interrompant à peine la triste uniformité des alentours. L'épaisseur de l'atmosphère était tellement intense que par moments nous pouvions à peine distinguer la tête de nos chevaux, ce qui, joint au froid glacial dont nous étions pénétrés, rendait notre situation peu séduisante. Aussi l'ennui nous gagnait-il insensiblement, et plus que l'ennui, une apathie pleine de malaise qui nous avait été jusqu'alors étrangère. Ce ciel sombre, sans aucune éclaircie pour en adoucir la sévérité, cette plaine immense que rendait encore plus triste une absence totale de vie et par-dessus tout peut-être l'idée que d'un instant à l'autre nous pouvions rencontrer les terribles circassiens était plus que suffisant pour nous démoraliser complètement. Les deux cosaques que le général commandant de Georgiev nous avait donné pour escorte, tout préoccupés qu'ils étaient eux-mêmes des dangers de la route, me semblait peu propre à calmer nos craintes. Mais ce fut surtout lorsque la route quitta définitivement la plaine pour côtoyer le flanc d'une vallée profonde au fond de laquelle mugissaient les eaux de la Podkouma que leur physionomie trahit une véritable anxiété. Ils ne cessaient de regarder de côté et d'autre comme s'ils eussent redouté partout une embuscade. Bientôt, ils s'arrêtèrent et appelèrent notre drogman pour lui montrer un endroit dont leurs yeux semblaient ne pouvoir se détacher. L'un d'eux se mit à parler avec volubilité. À ses gestes expressifs, nous ne pûmes douter qu'il ne racontât quelque histoire tragique arrivée dans le lieu même. En effet, Antoine nous apprit qu'au point même où nous nous trouvions, une jeune dame polonaise avait été assaillie l'année précédente par plusieurs montagnards embusqués dans le lit du torrent. Cette dame se rendait aux eaux de Kislovodsk accompagnée d'une escorte et de 2 ou 3 domestiques. Sa suite fut en partie massacrée, sa voiture pillée et elle-même disparue sans que les recherches les plus actives aient pu jeter aucun jour sur son sort. Un des cosaques, échappé par miracle au feu des circassiens, partit ventre à terre pour Georgiev et revint peu d'heures après sur le théâtre de la catastrophe, suivi d'un détachement de cavalerie. La voiture, complètement brisée, était dégarnie de tous ses coffres. Plusieurs cadavres, horriblement mutilés et dépouillés de leurs armes, gisaient à terre. Mais ni le corps de la jeune dame, ni celui de sa femme de chambre ne purent être retrouvés. Il est à supposer que les circassiens les emmenèrent dans leur aoule comme le trophée le plus précieux de leur sanglante expédition. Le récit de cette aventure, aussi sinistre que récente, fait dans l'endroit même où elle avait eu lieu, fit passer en moi un petit frisson bien voisin de la peur. Pourquoi n'en conviendrais-je pas? Je voyais des brigands partout, jusque dans la figure pacifique des Cosaques. Qu'en juge donc de ma terreur, lorsque la brume, s'éclaircissant tout à coup, nous permit de distinguer, à 100 pas de la route, un groupe de cavaliers, bien propres à réaliser les fantômes de mon imagination. Le doute n'était pas permis. Les hommes armés qui s'avançaient lentement étaient bien ces montagnards redoutables, héros de tant d'aventures tragiques. Le cri d'effroi que je laissais échapper à leur vue fut heureusement entendu d'un de nos Cosaques, qui s'empressa de venir me rassurer en m'apprenant que ces montagnards appartenaient à une tribu alliée de la Russie. Néanmoins, malgré la conviction qu'ils ne pouvaient nous être hostiles, je ne les vis pas défiler devant nous avec un sang-froid parfait, quoique la troupe se composât tout au plus de 5 ou 6 cavaliers. Mais elle avait dans son ensemble quelque chose de menaçant, d'agressif, puis-je dire. Jamais je n'oublierai le regard de colère que jetait chaque cavalier sur nos Cosaques en passant à côté d'eux. Du reste, ce fut la seule manifestation qu'ils se permirent pour exprimer la haine qu'ils gardent au fond du cœur pour tout ce qui leur rappelle la Russie. Sous la burqa noire qui les recouvrait à moitié, on voyait briller leurs pistolets et leurs poignards damasquinés. Au moment de disparaître à nos yeux, ils se dessinèrent en plein sur le sommet d'une colline. Leur étrange aspect, leur tournure belliqueuse et leur coursier vigoureux empruntaient au brouillard quelque chose de fantastique qui me fit songer involontairement aux guerriers du Nord chantés par Ossian. Mais laissons de côté nos impressions personnelles pour convenir que les circassiens sont les hommes les plus fiers et les plus beaux qu'il soit possible d'imaginer. À la perfection des formes, à la grâce de leurs mouvements, ils unissent la force du guerrier et l'agilité merveilleuse du montagnard. Habitué dès son enfance aux exercices violents, à vivre aussi libre que l'aigle de ses montagnes et à détester tout ce qui peut porter atteinte à son indépendance, le Tcherkesse représente noblement, au fond du Caucase, les dernières traces de l'esprit chevaleresque et belliqueux qui jeta tant d'éclat sur les peuples du Moyen-Âge. C'est à cheval surtout qu'il faut le voir, avec son pittoresque costume, sa souplesse et ses évolutions brillantes, pour juger combien cette race caucasienne est supérieure pour la beauté physique à toutes les autres. La contrée, jusqu'alors si monotone, se revêtit d'un tout nouveau caractère dès que nous eûmes laissé les Tcherkesses derrière nous. À la vaste plaine que la route avait d'abord parcourue si librement, succéda une rampe bordée d'un côté par le lit profond de la Podkouma et de l'autre par des montagnes aux escarpements abrupts qui rendaient notre marche de plus en plus difficile et périlleuse. Mais combien cet inconvénient était racheté par l'aspect grandiose des sites qui nous environnaient. À notre gauche, à une profondeur de plus de 80 mètres, roulaient les flots rapides de la Podkouma, charriant une immense quantité de gravier, de débris de rochers et d'arbres minés par l'action incessante des eaux. La montagne des serpents, couverte de forêts impénétrables et affectant la forme d'un pain de sucre, s'élevait, sombre et isolée, à quelques verstes du point où nous étions. Tandis que dans l'éloignement, la grande chaîne du Caucase, se dessinant insensiblement à nos yeux, nous montrer ces neiges éternelles, ces pics et ces brouillards qui commençaient à colorer quelques rayons d'un soleil couchant. À notre droite, la chaîne secondaire qui suivait parallèlement la vallée étroite du torrent, s'élevant par degrés, nous permit bientôt d'apercevoir le majestueux Bechtau, dressant ses cinq pointes colossales au-dessus des collines environnantes. C'était un beau et grand spectacle. La nature semble avoir choisi le Caucase pour y étaler toute sa puissance et sa majesté. Elle n'a rien oublié pour faire de cette contrée l'une des plus pittoresques du monde. Plusieurs écrivains ont déjà fait connaître la richesse de son sol, l'immense variété de ses fleurs et de ses plantes, la plupart inconnues ailleurs. La vertu médicinale de ses eaux, la beauté de son climat, mais il faudra bien des années encore pour qu'il soit possible de l'étudier avec soin et de pénétrer dans ses hautes vallées, sur ses larges plateaux habités par tant de nations belliqueuses qui les rendent inabordables aux Européens. La lutte établie entre les montagnards du Caucase et la Russie, lutte opiniâtre, acharnée, tenant depuis si longtemps l'Europe attentive, jetée sur ces montagnes l'attrait indéfinissable qui s'attache toujours à l'actualité, cette enchanteresse dont le pouvoir s'est rendre prestigieuse jusqu'aux choses les plus ordinaires de la vie. Mais là, son rôle était glorieux, car elle évoquait devant nous tout ce qu'il y a de noble et de grand dans l'histoire d'un peuple. La vue de ses hauts sommets, de ses aiguilles se perdant dans les nuages, de ses monts revêtus d'immenses forêts, remplissait notre cœur d'enthousiasme et d'admiration pour les Tcherkesses qui ont fait de chaque pic un rempart de liberté et de patriotisme. Envisagés sous ce point de vue, loin de s'offrir à notre pensée comme d'audacieux brigands, ils nous apparaissaient comme d'intrépides et héroïques martyrs prêts à mourir plutôt que de permettre à l'étranger de souiller leur montagne. Pendant plus d'une demi-heure, nous gravîmes assez péniblement une rampe étroite et rapide, sans qu'aucun signe nous annonçât Piatigorsk. Nul être vivant, nulle cabane ne se montrait à nos yeux. À peine la solitude était-elle troublée par quelques vautours de la plus grande espèce, passant silencieusement au-dessus de nos têtes. Mais le point culminant de la route atteint, nos regards purent embrasser à la fois la vallée, Piatigorsk, les villas disséminées sur les hauteurs, tous les détails d'un délicieux paysage jeté comme par hasard au milieu des scènes sauvages et grandioses des Alpes caucasiennes. De là, nous n'eûmes plus qu'à descendre une pente d'une verste environ pour atteindre les premières maisons de Piatigorsk. Ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on peut, sans courir de grands risques, aller en voiture aux eaux. Avant cette époque, les circassiens d'une part et de l'autre le mauvais état des chemins faisaient de ce voyage une entreprise périlleuse sous tous les rapports. Maintenant, grâce à quelques travaux d'art et au grand nombre de postes de surveillance établis sur toute la ligne, les eaux du Caucase sont fréquentées annuellement par plus de 1500 personnes qui viennent de toutes parts de l'Empire y chercher le plaisir ou la santé. Les catastrophes sont des plus rares. Depuis celles que j'ai rapportées, aucun événement de ce genre n'est venu effrayer le pays. À notre arrivée à Piatigorsk, nous descendîmes chez le docteur en chef des eaux, pour qui nous avions des lettres de recommandation et qui nous reçut de la manière la plus aimable et la plus empressée. Dès le lendemain, malgré ses nombreuses occupations, ses 65 ans et un brouillard très épais, il voulut à toute force nous servir de cicérone pour nous accompagner sur les montagnes, complaisance d'autant plus méritoire qu'une pluie fine et des sentiers glissants devaient rendre une telle ascension fort peu attrayante pour quiconque n'était pas stimulé par la curiosité. Je dirai en passant que nous eûmes un temps affreux pendant notre séjour aux eaux. Par une dérision du sort, les montagnes que nous étions venus chercher de si loin, au sein desquelles nous nous trouvions, restaient invisibles à nos yeux, comme ces divinités qu'un voile impénétrable dérobe aux regards avides de la foule. C'est à peine si de nos croisées nous pouvions apercevoir la base du Beshto, dont deux verstes au plus nous séparaient. Notre première visite fut pour la source d'Alexandra qui porte le nom de l'impératrice. Ses eaux sulfureuses ont une chaleur de plus de 38 degrés réaumur. Un vaste établissement où l'on arrive par un escalier construit dans le roc offre aux baigneurs toutes les facilités nécessaires à leur traitement. Beaucoup d'autres sources thermales sont répandues sur la plupart des hauteurs qui entourent Piatigorsk. Les travaux qu'on a dû exécuter pour en rendre l'accès facile font honneur à la sollicitude du gouvernement russe. Sur des rochers qui paraissent inaccessibles, le regard découvre des constructions élégantes, des sentiers se croisant en tous sens, des terrasses et des plantations d'arbres dont la présence dans ces lieux sauvages ferait croire à un caprice de fée. On a construit sur un des pics les plus élevés un monument octogone surmonté d'une jolie coupole azur. Les colonnes qui le soutiennent sont entourées à leur base d'une élégante balustrade. L'intérieur de l'édifice, ouvert à tous les vents, contient une harpe éolienne qui prolonge ses sons mélancoliques jusqu'au fond de la vallée après s'être mêlée à tous les échos des montagnes voisines. C'est au docteur Conrad, notre hôte, qu'on doit cette gracieuse idée. Passionné pour la musique en véritable enfant de la Germanie, il a compris tout ce que ces sons aériens, venant comme du ciel, pouvaient avoir d'heureuses influences sur le moral de ses malades. Ce petit temple, surnommé le pavillon d'Éole, entouré d'arbres, de vignes sauvages, de fleurs, doit être l'endroit favori de ceux qui aiment rêver et contempler dans la solitude les scènes sublimes de la nature. De sa terrasse, la vue est d'une beauté incomparable, mais pour en juger, il aurait fallu que nous fussions un peu mieux favorisés par le temps. Néanmoins, notre bon docteur, par sa description colorée, poétique, suppléa à tout ce que nous ne pouvions voir et nous consola en quelque sorte de notre mésaventure. Il faut aussi convenir que les cimes coiffées de vapeurs et les forêts noyées dans les nuages, avec leurs vagues et fantastiques silhouettes, avaient quelque chose d'assez étrange pour que notre ascension ne fût pas complètement inutile. Plusieurs grottes naturelles et artificielles disséminées sur la montagne servent de lieu de refuge dans les grandes chaleurs. Au dire du docteur, rien n'est plus amusant que d'aller s'y asseoir à l'heure des bains. Tous les sentiers se couvrent alors de jolies baigneuses et d'élégants buveurs d'eau, offrant aux yeux de l'observateur les types les plus variés, depuis les traits du prince tatar de la Crimée jusqu'à ceux de la belle géorgienne de Tiflis. En Russie, la société possède un rare avantage, celui de ne pas présenter la fatigante monotonie qui vous poursuit dans presque toutes les contrées de l'Europe. À Saint-Pétersbourg, comme à Kiev, comme à Moscou, comme à Odessa, dans les salons d'un gouverneur, comme dans un établissement public, on a le plaisir de passer en revue des gens de tous les pays et de faire, dans une seule soirée, une étude de race et de physionomie aussi complète qu'originale. Le plus beau quartier de Piatigorsk, occupant le fond de la vallée, présente deux lignes d'élégantes habitations s'appuyant sur le roc vif et faisant face à une promenade ornée de beaux arbres et de canopées. La population ordinaire de la ville se borne aux employés du gouvernement, à la garnison, à quelques malades incurables qui y passent toute l'année. Les bâtiments de la couronne sont assez nombreux. Outre les établissements de bains qui rentrent dans son domaine, on compte encore une église grecque, un immense hôtel pour les étrangers, une salle de concert, une maison de charité, un hôpital pour les officiers blessés revenant du Caucase, une caserne de défense, etc. Au résumé, Piatigorsk est moins une ville qu'une réunion de délicieuses maisons de campagne habitées pendant quelques mois par une aristocratie riche et puissante. Tout y est coquet, tout y porte le cachet de luxe que les Russes nobles aiment à mettre en toutes choses. Là, rien ne vient attrister les yeux ni resserrer le cœur. Point de classe pauvre, point de métier pénible, point de cabane, partant, point de misère. C'est un lieu fortuné qui ne doit offrir aux dames et aux princes, aux courtisans et aux généraux de l'Empire que des images riantes, choisies dans tout ce que la nature et l'art ont de plus séduisant. Comment les eaux du Caucase ne seraient-elles pas souveraines avec tant d'éléments de succès? Comment les personnes atteintes d'affections de poitrine, de maladies nerveuses et de peines du cœur ne renaîtraient-elles pas à la santé en respirant l'air vivifiant des montagnes, en s'enivrant des notes mystérieuses de la harpe éolienne, en dansant chaque soir et en prenant des douches? Aussi, que de guérisons merveilleuses n'a-t-on pas à citer chaque année? Le docteur, en homme d'esprit, se méfiant sans doute de l'efficacité des eaux, a pour sa part contribué largement à faire de Piatigorsk un véritable paradis terrestre. Mais il faut reconnaître qu'il a été parfaitement compris et secondé par l'empereur, toujours disposé à mettre de la magnificence dans les choses les plus superficielles. Ici, le raffinement est poussé si loin que les belles dames de Moscou et de Saint-Pétersbourg, fort indolentes d'habitude, peuvent se rendre aux diverses sources sans sortir de leur voiture, traînées par de fringants attelages. Et pourtant, les sources sont presque toutes à quelques centaines de mètres au-dessus de la vallée. Que de corvées, que de peines, que de misères représentent ces chemins si commodes. Il n'y a vraiment que le gouvernement russe capable de faire de telles galanteries. Maintenant, je dois dire quelques mots de l'excellent docteur chez qui nous trouvâmes un si cordial accueil. Notre bonheur habituel, auquel nous devions déjà tant de charmantes relations, nous accompagna à Piatigorsk en nous rendant les hôtes du docteur Conrad, qui joue aux eaux du Caucase le rôle d'un petit souverain. Bavarois de naissance, il se trouvait attaché à la direction de ses eaux depuis une vingtaine d'années. Plein de zèle, de talent et de dévouement pour l'humanité souffrante, il finit par s'attirer l'attention de l'empereur qui, dans différentes occasions, lui donna des preuves de sa haute estime. À l'époque où nous le connûmes, c'était un homme de 60 ans environ, portant une de ces physionomies pleines de finesse et de bonté, dont le type, presque perdu, nous rappela les médecins de la vieille école. Habit noir, large tabatière à la main, jabot bien plissé, col de chemise montant jusqu'aux oreilles, regard observateur, figure de parchemin et quelque peu de surdité. Tels étaient ses traits distinctifs. Je ne pouvais m'empêcher, en le voyant, de le comparer à ces anciens portraits de l'école flamande qui unissent à la perfection des détails tant de vie, de couleur et de naïveté. À notre grande surprise, vu son âge, son infirmité et son genre d'occupation, nous trouvâmes en lui un pianiste passionné consacrant à son art chéri tous les instants dont il pouvait disposer. Familier avec les compositeurs anciens et modernes, il puisait dans leurs œuvres comme on puise à même d'un vase plein de pierres précieuses, passant des adagios les plus mélancoliques aux variations les plus vives, de même qu'aux ouvertures les plus grandioses, tout comme s'il avait eu sous les yeux les partitions de Beethoven ou de Mozart. Favorisé d'une mémoire prodigieuse, il interprétait les grands maîtres sans avoir besoin de musique sous les yeux.